Section 72 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 72. Idées et sensations. Par Edmond et Jules de Goncourt. Après un habit mal fait, le tact est ce qui nuit le plus dans le monde. Un des plus grands sentiments, la paternité, qu'est-ce ? La propriété d'un être animé. Lorsque l'incrédulité devient une foi, elle est moins raisonnable qu'une religion. Les langues gazouillent en s'approchant du soleil. L'anecdote, c'est la boutique à un sou de l'histoire. Les antipathies sont un premier mouvement et une seconde vue. De grands événements sont confiés souvent à de petits hommes, comme ces diamants que les joailliers de Paris donnent à porter à des gamins. L'humanité a tout trouvé à l'état sauvage, les animaux, les fruits, l'amour. Le monde ne pardonne qu'aux supériorités qui ne l'humilient pas. Le commerce est l'art d'abuser du désir ou du besoin que quelqu'un a de quelque chose. Qu'est-ce que la vie ? L'usufruit d'une agrégation de molécules. Apprendre à voir est le plus long apprentissage de tous les arts. Fin de la section 72, lue par Margot.